Je vais répéter, le centre et ses employés vous offrent la bienvenue à la conférence du mois de Daniel. Ce que je voulais dire, c'est que souvent, on a des personnes qu'on dit qui ont de la discipline parce qu'ils font un travail ou ils suivent une discipline. Peux-tu nous expliquer c'est quoi la discipline et en même temps, tant qu'à parler de discipline, de l'autodiscipline? Bon. Bon, la discipline, c'est quelque chose qui a tenté de diriger l'homme, de diriger le monde, depuis que l'homme a suffisamment de psychologie, suffisamment de mémoire, pour pouvoir prendre conscience de son passé. Du fait de pouvoir prendre conscience du passé d'un individu, lorsqu'un homme prend conscience qu'il existe, psychologiquement donc, par rapport à ce qu'il a été, il est capable, inconsciemment ou consciemment, de pouvoir se servir de ses antécédents, donc de ses erreurs. Et l'amalgamation des erreurs d'une espèce, ou l'amalgamation des erreurs de l'être humain, d'une collectivité humaine, crée chez celui-ci un égrégore, un esprit de groupe, un esprit de masse qui va tenter de faire en sorte que la souffrance ou que le désir qui se retrouve sur chacun des individus de la collectivité puisse tendre à s'exprimer. Si c'est la souffrance qui est fuie par chaque individu inconsciemment, la collectivité va tendre à essayer d'éliminer cette souffrance. Si c'est quelque chose que chaque individu recherche, comme une évolution, comme la paix, comme la guerre, l'ensemble de l'esprit groupe va faire en sorte que la collectivité tende à s'y diriger. Et l'individu qui n'a pas le même désir que la majorité, s'il vit dans cette majorité, sera automatiquement submergé par l'esprit groupe et lui aussi ira accomplir un cheminement en vue de l'expression du désir ou de la contrepeur de l'esprit de groupe. La discipline à l'intérieur de ça va apparaître lorsque l'homme sait qu'il a été, donc lorsque l'homme a suffisamment de mémoire pour dynamiser un esprit de groupe. Cette discipline, c'est lorsque un individu essaie de se placer, essaie d'être coordonné, essaie de se coordonner pour être l'équivalent de l'esprit groupe. Ça, c'est la discipline. Lorsque l'humain essaie d'être normal, lorsque l'humain essaie de plaire à l'extérieur, lorsque l'être humain, lorsque l'homme, essaie d'être en harmonie avec d'autres hommes, il est dans une expression de discipline. C'est-à-dire qu'il doit être discipliné. Maintenant, ce qui va arriver, c'est que l'esprit groupe va, d'une façon manipulatrice, prendre certains individus et leur donner de la discipline. Ce n'est pas de l'autodiscipline, même si ces individus peuvent parler d'autodiscipline. Ils peuvent dire qu'ils se sont disciplinés. En réalité, ils ont été disciplinés. Ils sont assujettis à des forces du même genre qu'aux forces géoviques qui ont créé l'ordre et la loi sur la planète à l'époque lémurienne et à l'époque atlantéenne. Et l'homme croit qu'il se autodiscipline alors qu'en réalité, il est assujetti à un esprit groupe, à un égrégore collectif qui tend à diriger cet homme de façon à ce que celui-ci puisse diriger d'autres hommes, de façon à ce que l'inconscient collectif finissent par servir de leitmotiv collectif. Et c'est l'évolution de groupe, c'est l'évolution de troupeau, c'est l'évolution de collectivité, de société humaine. Lorsque l'inconscient collectif, lorsque chaque fondement à l'intérieur de l'homme, fondement inconscient de l'homme, rejoint d'autres fondements de d'autres hommes, et par résonance, par amour, crée cet esprit de groupe, c'est toujours cette inconscience collective qui dirige la collectivité. Et c'est pourquoi l'autodiscipline n'a rien à voir, l'autodiscipline telle que nous allons en reparler tout à l'heure, n'a rien à voir avec ce genre de discipline collective. Lorsque le général est formé, lorsque le général est dynamisé par son émotion, par l'énergie qui le fait vivre, qui l'énergie qui le fait triper, lorsqu'il est dynamisé suffisamment pour commencer à créer l'armée, il ne s'est pas autodiscipliné. Il a été discipliné par l'égrégore, par l'esprit de groupe, qui va obliger cet homme à générer une armée autour de lui, de façon à pouvoir pousser l'inconscient collectif vers une phase finale d'expression. Vers la guerre, vers la défense, vers différents mécanismes psychologiques que l'armée peut soutenir. Les autres individus qui ne sont pas suffisamment reliés ou suffisamment rejoints par l'esprit collectif, par l'égrégore collectif, qui, parce qu'ils sont normalement, dans leur psychologie, selon leur forme d'évolution astrale, inférieurement évolués au chef. Ces personnes risquent de ne pas être capables de rejoindre l'esprit de groupe collectif pour se faire discipliner par l'esprit de groupe. Ces personnes ont donc besoin d'une discipline qui sera amenée par l'homme, mais qui aura été contrôlée par l'esprit de groupe, c'est-à-dire par l'astral collectif. Ce général, certaines personnes vont donc placer de l'ordre. Ils vont ordonner de deux façons, donner des ordres et mettre de l'ordre, ce qui, présentement, peut paraître comme quelque chose de discipliné. C'est d'ailleurs l'apanage des forces sociétaires, soit militaires, policières, syndicales, de travail, quel que soit le genre de force, lorsqu'il est sociétaire, lorsqu'il est collectif, c'est un ordre de discipline imposé par un esprit de groupe. C'est la collectivité qui veut quelque chose, mais chaque individu dans la collectivité ne sait pas qu'il le veut, et ne le veut peut-être pas, mais la société le veut. Et ça va tendre à instaurer la discipline, comme va tendre à instaurer la loi, par exemple. Lorsque nous instaurons, on l'a vu vendredi dernier, que lorsque nous instaurons la loi dans nos sociétés, c'est parce que nous avons manqué à l'éducation et que la loi est une forme de discipline imposée qui tend, en manquant complètement son objectif, de remplacer l'éducation. Lorsque nous avons la discipline militaire, lorsque nous avons la discipline religieuse, lorsque nous avons la discipline ésotérique, la discipline traditionnelle, la discipline alimentaire, l'individu se relie à l'égrégore collectif en se restreignant soit à prendre comme concept réel, soit en appelant vérité un concept de quelque chose et en essayant de l'appliquer. Ce qui peut sembler être de l'autodiscipline, mais en réalité, c'est une discipline collective individualisée. Mais ce n'est pas de l'autodiscipline. Ou encore, il fait comme certains font, il va rentrer dans une religion où il n'aura plus à penser, où on va le discipliner. Ou il rentre dans des forces militaires où il n'a plus à penser, ou parce qu'on va le discipliner. C'est-à-dire qu'on va lui dire quand se lever. On va le forcer à se mettre en forme. Donc, il a de la discipline. Et la discipline ne forme pas l'homme en réalité. La discipline forme un outil qui va être facilement manipulable et récupérable par l'esprit de groupe, par l'astral collectif. Donc, la manière que je comprends, la manière que tu expliques discipline en ce moment, si je prends le système d'éducation qu'on a aujourd'hui, c'est de la discipline qu'on fait. Exactement. On pousse, on instruit l'homme à avoir une conscience collective individualisée. C'est-à-dire qu'on donne l'impression à l'homme qu'il pense alors qu'on pense pour lui. Lorsque l'homme pense et que l'homme, dans nos sociétés par exemple, s'interdit de commettre tel ou tel geste, tel ou tel acte, c'est parce qu'il est restreint par l'esprit de groupe. Ce n'est pas lui qui s'empêche ou qui fait un acte, c'est lui qui sert d'intermédiaire à l'expression d'un esprit collectif. C'est de la discipline qu'il a. que ce soit le punk, que ce soit le drogué, que ce soit le policier, que ce soit l'homme d'affaires, que ce soit le notaire, l'avocat ou le dirigeant, le gouverneur, il est restreint par l'esprit de groupe où il a une discipline et il est discipliné. Lorsqu'un homme a une autodiscipline, il est non seulement immoulable, il ne peut pas être discipliné par quelque chose d'autre, il est libre. Et la personne qui arrive à pouvoir avoir une réelle autodiscipline, parce que pour avoir une autodiscipline, tu dois être déconnecté de la discipline. Et l'autodiscipline psychologique peut remplacer facilement la réelle autodiscipline là où l'homme est son seul maître. Ça, c'est l'autodiscipline. Mais tant que l'homme n'est pas son seul maître, l'homme est discipliné. On lui ordonne et l'homme fait. On peut ordonner d'une façon très hypocrite. Ça m'amène à te poser une question. L'autodiscipline, tu as quasiment parlé de deux autodisciplines. L'autodiscipline de l'astral, ça serait quoi? Bon, l'autodiscipline psychologique, c'est lorsque l'homme s'assujettit à une discipline collective. Pour s'assujettir à une discipline collective, tu dois avoir une vue voilée, une vue obscurcie. Tu dois voir à travers un brouillard. Lorsque la personne n'a pas d'autodiscipline psychologique ou astrale, lorsque la personne est carrément disciplinée, sans même avoir l'impression qu'elle s'autodiscipline, elle ne voit même pas. Elle ne voit rien, elle suit. Lorsque la personne commence à penser qu'elle a de l'autodiscipline, qu'elle s'autodiscipline elle-même, c'est qu'elle voit quelque chose de brumeux. Elle voit dans un couloir qui est obscurci des choses. Et elle adhère à ces choses sans voir complètement, clairement, ce à quoi elle adhère. Cela veut dire que lorsqu'une personne s'autodiscipline à faire son jogging le matin, elle est assujettie à la publicité collective du jogging ou de la condition physique. Elle est assujettie à la publicité de différentes entreprises qui vendent du conditionnement physique. Mais cette personne voit d'une façon obscurcie, l'intelligence du conditionnement physique, où elle voit l'intelligence, où elle voit l'utilité du conditionnement physique pour lui donner un corps qui va lui permettre d'exprimer plus facilement son orgueil, où elle voit l'utilité du conditionnement physique pour lui permettre de se sentir bien dans sa peau, donc une jouissance psychologique, où elle voit l'utilité, elle voit quelque chose qui se rapproche de l'intelligence, mais qui ne peut pas être intelligent parce que c'est voilé. Elle ne le voit pas clairement. Et automatiquement, elle va dire, je décide, moi, d'adhérer à ça. Donc, elle va s'autodiscipliner à suivre la collectivité. Exactement lorsqu'une personne décide de payer ses impôts, ou lorsqu'une personne décide de ne pas jeter un papier par la fenêtre de son auto, elle peut le faire par autodiscipline psychologique, c'est-à-dire qu'elle adhère à différents adages, à différentes litanies psychologiques collectives, et elle le fait pour se sentir bien. Elle le fait parce qu'elle veut avoir un monde plus propre, un monde meilleur, parce qu'elle veut, non pas parce qu'elle comprend, parce qu'elle veut. Et lorsque la personne veut quelque chose et qu'elle adhère à un mécanisme, à une tradition, à une culture alimentaire, à une culture de soins physiques, à une culture de soins psychologiques ou spirituels, c'est qu'elle veut quelque chose. Et lorsqu'une personne veut quelque chose, c'est de l'autodiscipline psychologique. Elle n'est pas son seul maître. La personne qui voit l'intelligence de ne pas jeter son papier par la fenêtre. Si la personne voit clairement une chose, elle a de l'autodiscipline mentale. Et l'autodiscipline mentale, c'est quelque chose qui est similaire à l'autodiscipline psychologique, sauf que le mental, au lieu d'être placé ailleurs dans le monde, il est placé chez l'homme. C'est-à-dire que lorsque le mental placé ailleurs dans le monde détermine que la pollution, ce n'est pas bon, et que ce mental explique les mécanismes de l'antipollution, et les mécanismes aberrants de la pollution. Ce mental placé ailleurs dans le monde dynamise l'astral, crée un égrégore d'un certain groupe qui n'a pas une puissance comme l'égrégore collectif social, mais qui a quand même une puissance de ramasser des esprits de groupe ou des individus mineurs. Et ce mental étant à l'extérieur va faire qu'à un moment donné, je peux avoir une discipline ou une autodiscipline psychologique. Je ne me sers pas de mon mental, j'adhère à ce mental, j'adhère à ce que cet individu ou j'adhère à ce que ce groupe d'individus, ce mental placé ailleurs, a exprimé comme énergie mentale. Donc, je suis d'accord avec leurs idées parce que je crois qu'ils ont raison. Mais, encore une fois, je ne suis pas mon seul maître. Lorsque l'autodiscipline mentale apparaît chez l'homme, le mental est placé chez l'homme. Le mental n'est pas un mental qui vient de l'extérieur, c'est-à-dire qu'il n'est pas coloré par le temps et par la distance, par l'espace, jusqu'à temps qu'il arrive à l'individu. Il ne parvient pas à l'individu à travers un couloir qui peut être coloré, qui peut être brumeux, qui peut être obscurci. Et lorsque le mental de l'individu qui a une autorité sur lui, celui qui a de l'autodiscipline mentale, commande chez lui, il a la vision claire parce que la vision est tellement proche de ce qu'il veut instruire. La psychologie, par l'intermédiaire de la pensée, c'est tellement proche de lui qu'il n'y a presque pas de coloration. Donc, il n'adhère pas parce que d'autres le font. Il n'adhère pas parce qu'il croit que c'est mieux. Il n'adhère pas parce qu'il veut un résultat. Il n'adhère à rien. Il fait quelque chose parce qu'il a la vision claire, la netteté d'aboutissement de cette chose. Il fait cette chose parce que cette chose, elle est facile. Et il y a deux facilités dans l'évolution de l'homme. Il y a une facilité psychologique qui tend à rendre facile l'expression d'un désir, et il y a une facilité mentale qui tend à rendre l'expression ou l'aboutissement facile par économie d'énergie. Parce qu'il faut bien savoir que la facilité psychologique dépense énormément d'énergie, mais elle a un résultat plus ou moins immédiat. Résultat qui est illusoire et qui va être dégradé par le temps, donc résultat qui va être périssable. Dans la psychologie, il n'y a rien qui reste. Dans le désir psychologique ou astral, que ce soit de l'astral matériel, de l'astral vital, de l'astral psychologique, tout tend à mourir. Et lorsque la personne voit clairement l'aboutissement d'une chose par l'économie d'énergie, elle voit l'intelligence de la chose. Parce qu'il n'y a rien d'intelligent sur la planète sauf l'économie d'énergie. Et plus tu tends à économiser l'énergie, plus tu tends à l'intelligence. Il n'y a rien d'autre que l'économie d'énergie. Qu'est-ce que c'est l'économie d'énergie? C'est le... Disons que ce sera être économe en énergie, ce sera être capable de créer une barrière, ce sera être capable de donner le minimum possible d'énergie à la matière. Ça, c'est l'économie d'énergie, ça, c'est l'intelligence. Cela veut dire que chaque fois que je gaspille mon énergie, je prends de l'énergie évoluée et je la matérialise. Et ça, c'est stupide parce que je prends de l'énergie haute et je la descends. Je crée l'involution. L'intelligence tend à donner le minimum possible d'énergie évoluée à la matière évoluante, tout en ayant un résultat pour pouvoir prendre de l'énergie de la matière et la faire évoluer. Mais présentement, l'homme tend à faire évoluer des choses en faisant un changement. C'est-à-dire que rien ne se perd, rien ne se crée dans le domaine psychologique de l'homme. Ce qui est une loi matérielle, ce n'est pas une loi réelle. Parce qu'il y a la création. Et dans la création, rien ne se crée, rien ne se perd, selon les lois mêmes qui régissent la possibilité d'existence du monde créé. Parce que si dans ce monde créé, certaines choses disparaissent, le monde créé va disparaître. Ce qui n'est pas conçu, ce qui n'est pas compris par le monde du temps, par le monde de l'espace, c'est-à-dire par le monde de l'astral galactique, par le monde psychologique. Et cela est cristallisé encore plus dans le monde planétaire humain parce qu'il y a l'expérience matérielle dans la phase la plus sublime d'involution. L'autodiscipline mentale va apparaître chez l'individu. L'autodiscipline mentale existe présentement au Québec. L'autodiscipline mentale existe présentement sur la planète Terre. L'autodiscipline mentale, c'est lorsque un Melchisedec, c'est lorsque un égrégore d'un autre système d'expression énergétique vient dans le plan planétaire et que cet ordre mental tend à diriger les ordres inférieurs psychologiques, donc tend à discipliner les esprits de groupe et ceux-ci par l'intermédiaire de religion, de propagande, de socialisme, de collectivité, vont instruire l'homme par ce biais. Maintenant, l'intelligence mentale, l'autodiscipline mentale existe focalisée sur le plan planétaire, focalisée surtout sur le plan du Québec et surtout sur le plan du pôle Nord, pour différentes raisons telluriques. Lorsque l'homme se connecte à cette autodiscipline, à cette énergie mentale focalisée sur la planète, il entre en relation par l'intermédiaire de sa psychologie, parce que l'homme qui se connecte à un autodisciplineur mental planétaire entre en communication par le biais de son astral. Il entre en communication avec certains focus d'énergie de différents rayons, de différentes couleurs, de différents ordres. On a une énergie d'une forme, d'une couleur particulière, qui peut connecter l'homme, auquel l'homme peut se connecter, au niveau de l'autodiscipline psychologique, par exemple. Et ce n'est pas de l'autodiscipline mentale, parce que je répète que l'autodiscipline mentale, c'est lorsque l'homme a son mental propre. L'homme a ses propres dynamos. Dans l'autodiscipline psychologique, tu as différents rayons, différents faisceaux d'énergie, différents autodisciplinateurs astral ou mental, placés dans certaines régions particulières du globe. On a un autodisciplineur astral placé près du Tibet, placé sur les Indes, placé dans certaines régions de la Chine, placé dans certaines régions de l'URSS, placé dans certaines régions de la Californie, placé dans certaines régions des Andes. On a un autodisciplineur mental qui peut entrer en réunion avec l'homme par le biais de la discipline ou de l'autodiscipline psychologique toujours, qui sont placés au Québec, qui sont placés au pôle Nord et qui sont placés dans le désert de Gobi en Chine à une place et quelques autres régions de la planète. Lorsque l'individu entre en contact avec l'autodisciplineur astral placé, par exemple, au Tibet, en Chine, aux États-Unis, en Union soviétique, il va entrer en contact avec des énergies qui sont dans les plus hautes sphères de notre plan astral, mais qui vont apparaître sous forme de guide de lumière, sous forme de guide, sous forme de grand maître, sous forme de connaissances presque instantanées qui ont énormément de la valeur pour l'homme. Mais encore là, l'homme est relié à quelque chose d'autre. Et lorsqu'il y a une distance, un espace-temps entre celui qui reçoit et qui exprime et l'endroit où tu prends l'information, il y a la coloration. Sur le plan planétaire, évidemment, les distances cosmiques sont minuscules. Mais il y a suffisamment de coloration pour que l'homme exprime quelque chose qui n'est pas en harmonie avec une réalité. Donc, cela suscite des vérités chez l'homme. Lorsque l'homme entre en contact avec un autodisciplineur mental, placé dans certaines régions, comme le Québec, par exemple, ou le pôle Nord, lorsque l'homme entre en contact avec cet autodisciplineur mental par le biais de l'autodiscipline psychologique, donc astrale, l'homme entre en contact avec des énergies qui vont tendre à dégager l'homme de tous ses autodisciplineurs. L'autodisciplineur est créé chaque fois qu'une énergie mentale est exprimée par le biais de l'être humain. Et l'autodisciplinaire psychologique est créé chaque fois qu'une énergie psychologique de quelque nature, que ce soit dans le plan astral, est exprimée par l'être humain. Et évidemment, lorsque cela est exprimé d'une façon haute, cela crée un autodisciplinaire qui va être focalisé dans des régions Chambalien ou Agartien, comme on en a au Tibet, comme on en a sur les Andes, parce que Chambala et l'Agartien existent, ont plusieurs sorties, plusieurs entrées. Parce qu'il y a des endroits où on peut rentrer dans Shambhala, où on ne peut pas en sortir, et il y a des endroits où on peut en sortir, mais où on ne peut pas en rentrer. Alors, si on revient, avant que tu m'interrompes, à cet autodisciplinaire mental placé au Québec, par exemple, placé au Pôle Nord, lorsque l'homme entre en contact avec cet autodisciplinaire, avec cette espèce d'ajusteur collectif, disons, au niveau mental et non pas au niveau psychologique. Au niveau psychologique, c'est un ajusteur psychologique collectif. Au niveau mental, c'est un ajusteur de pensée collectif. Ce n'est pas un ajusteur de pensée individualisé, expérimenté ou non. lorsque l'homme entre en contact avec cette autodiscipline mentale, il entre en contact, il va développer chez lui la faculté de la parole lentement, et il va être instruit à se libérer. Donc, dans l'autodisciplinaire mental, l'homme va découvrir la souffrance mentale, l'homme va découvrir un maître cochon, un maître qui peut ressembler à un maître diabolique, qui va tendre à libérer l'homme de lui-même. Lorsque l'homme entre en contact avec un autodisciplinaire psychologique, donc astral, il va rencontrer la paix. Il va rencontrer les béatitudes. Il va rencontrer des mécanismes qui vont tendre à assujettir l'homme à cet autodisciplinaire, au guide. Prochainement, on aura un renversement au niveau de cet autodisciplinaire astral. Les guides de lumière que l'on connaît vont être remplacés par des guides mentaux qui vont commencer, parce qu'il faut bien savoir que présentement, l'énergie supramentale qui crée des autodisciplinaires mentaux tend lentement à détruire, à démolir, c'est-à-dire à réénergiser, à transmuter, à métamorphoser tout ce qui dans le plan astral dirige l'homme. Et les premiers qui vont être mentalisés dans le plan de la psychologie astralisante de l'homme, ça va être les guides de lumière. Et ça, on va y revenir dans la prochaine conférence sur les guides de lumière de demain. L'autodisciplinaire mental, qu'est-ce qu'il fait? Il peut permettre à un homme, lorsque nous parlons de l'énergie supramentale placée dans l'astral, nous parlons de l'autodisciplinaire mental. Lorsque nous parlons de l'énergie mentale placée dans l'astral, nous parlons de l'autodisciplinaire mental. C'est la même chose. Or, ce qui fait qu'une personne qui est en relation avec l'autodisciplinaire mental aura des attributs similaires à la personne qui est son seul maître, qui est en relation avec l'énergie supramentale. Alors donc, il y a des dangers de ne pas voir, de ne pas discerner entre l'autodisciplinaire et l'autodiscipline. L'autodisciplinaire mental ou astral entre en relation avec l'homme par le biais de l'autodiscipline psychologique, donc par le biais de l'astral. Lorsque l'homme devient son seul maître, lorsque l'homme a une autorité astrale, lorsque l'homme développe une autorité mentale, l'homme est son seul maître. Et de ce fait, l'homme entre en contact avec l'énergie du supramental lorsque cela est demandé, lorsque lui-même le veut. Et lorsque l'énergie supramentale pénètre chez l'homme, à l'insu de l'homme, même lorsque l'homme ne le veut pas, c'est par le biais de l'autodisciplinaire mental que l'énergie supramentale, ou si tu aimes mieux, par le biais de l'ajusteur de pensée collectif, que l'énergie supramentale pénètre l'homme contre le gré de l'homme. Lorsque l'homme se fait instruire sur un coin de rue ou dans son lit, et que l'homme n'arrive pas à couper le contact avec l'énergie supramentale, il est instruit par l'ajusteur de pensée collectif. Il n'a pas d'ajusteur de pensée individuel, et l'ajusteur de pensée individuel va être l'énergie de l'autodiscipline mentale créée par l'homme. Parce qu'il faut bien comprendre que l'ajusteur de pensée individuel va être attiré par l'homme, peut être créé par l'homme, peut avoir été créé par d'autres... par les Mélchisédèques, entre autres, des catalyseurs, pour faire avancer plus rapidement l'évolution de l'homme, mais que cette énergie devra se fusionner à l'homme. Donc, à un moment donné, l'homme devient l'ajusteur de pensée. Il est individuel et il est son seul maître réellement. Il n'est plus relié à l'ajusteur de pensée collectif mental, donc à l'autodisciplinaire mental. Et évidemment, il n'a plus rien à voir avec l'autodisciplinaire psychologique, autodisciplinaire qui se verra instruit par l'homme qui est son seul maître. Pour avoir de l'autodiscipline mentale, il faut tout le temps que tu passes par l'autodiscipline astrale. Non. Présentement, l'homme évolue par expérience, par essai et erreur. L'homme évolue par goût. L'homme doit goûter et selon la saveur, il apprécie tel mets et il refuse tel autre. L'homme va par goût. À travers cette évolution gustative, l'homme passe par l'autodisciplinaire psychologique, astral, par les voies des esprits groupes qui tentent à amener l'homme à une certaine évolution. Il faut bien comprendre qu'un esprit de groupe, une forme d'énergie stagnante au-dessus de la planète Terre, va faire en sorte, elle perd lentement en vibration, comme on l'a déjà vu, chaque énergie mémorielle perd en vibration parce que le temps la quitte. Et lorsque un égrégore, un esprit de groupe hautement évolué, Tiens, les ascenseurs sont débloqués. Lorsque l'esprit hautement évolué commence à se voir gruger par le temps, elle tend à assujettir des esprits hautement évolués humains pour que ceux-ci adhèrent, donc pour que ceux-ci acceptent d'être disciplinés par l'esprit spirituel. Et ceux-ci vont donc exprimer une énergie spirituelle qui va venir nourrir cet égrégore. Présentement, on a des esprits style guide de lumière, qui sont des esprits hautement lucifériens, qui sont des esprits similaires au comte de Saint-Germain, qui est un esprit luciférien, qui est un être de lumière, qui est un guide de lumière, qui a accepté, à un moment donné, de passer du côté de la pénombre. Parce qu'il faut bien savoir que le comte de Saint-Germain est un être noir. Ce n'est pas un être blanc. Et que Lucifer, que Satan sont des êtres blancs, des êtres de lumière, des guides de lumière. Et à travers ces guides de lumière qui tendent à faire évoluer l'homme à une vitesse dangereuse pour l'homme, à une vitesse trop rapide, qui tendent à donner à l'homme la connaissance authentique et instantanée alors que le corps et les mécanismes de l'homme sur ces différents plans ne sont pas prêts, cela pourrait détruire l'homme, cela pourrait créer des monstruosités, des abominations. Lorsque le Saint-Germain a accepté de devenir un guide d'obscurité, il a travaillé en fonction de l'évolution sécurisante et sécuritaire de l'humanité. Et cela, c'est ce qui doit être. Là, prochainement, on aura des guides de lumière qui sont des énergies presque aussi fortes que celles de Saint-Germain, mais assujetties à la discipline de Saint-Germain. Ces énergies vont accepter de passer du côté éclairé au côté obscur. Et c'est le côté obscur qui est le côté réel d'évolution humaine, et non pas le côté solaire. L'homme se dirige vers l'énergie solaire, vers l'initiation solaire. Mais c'est parce que présentement, les guides de lumière ne tentent pas de donner à l'homme l'initiation solaire, ce qu'ils ont tenté de faire depuis que l'homme est homme. Mais présentement, elles veulent donner à l'homme une initiation supérieure à l'initiation solaire. Et l'homme se dirige vers l'initiation solaire, et lorsque l'homme aura atteint cette initiation, il le fera d'une façon sécuritaire. Lorsque ces phénomènes énergétiques de guide de lumière ou de fils de Satan de recréer des conditions pour pouvoir permettre cette énergisation, elles se font présentement agresser par une énergie supérieure qui est reliée à l'autodisciplinaire mental, donc qui a été construit par le mental de l'homme et par l'énergie supramentale de l'homme. Donc, plus cela va, plus on aura d'appui de notre côté. Maintenant, plus on aura d'appui de notre côté, plus toutes les divergences psychologiques, toutes les divergences astrales, tous les esprits d'involution qui se luttent l'un contre l'autre vont commencer à s'allier. Parce que l'on sait très bien que la haine permet à un homme de vivre alors que l'amour a tué plus d'hommes. Un homme accepte de mourir même s'il aime sa famille, mais un homme va lutter contre la mort s'il déteste quelqu'un pour le tuer. Il mourra après avoir accompli sa vengeance. Et les esprits lucifériens vont lentement se grouper alors qu'ils ont toujours été divisés pour pouvoir venir lutter contre l'homme. Et évidemment, les esprits évoluants de l'homme, les esprits l'homme conscientisant devra développer une autodiscipline parce qu'il se trouve que ce n'est pas dans la collectivisation de l'être conscientisant que va pouvoir s'opérer la victoire sur les forces évoluantes. Je précise ceci parce que c'est important. Lorsque l'individu collectif de l'astral se lutte l'un contre l'autre, exemple, les guerres entre deux pays belligérants qui se battent continuellement, les guerres civiles à l'intérieur d'un pays, les meurtres entre les familles. Et lorsqu'on a un envahisseur plus gros, les familles cessent de se battre, ce groupe. les collectivités cessent de se battre, les guerres civiles disparaissent pour créer un esprit puissant pour lutter contre le grand envahisseur. Et lorsqu'on aura vaincu, on pourra recommencer nos querelles familiales et nos querelles antiques. Au niveau de... C'est ce qui se passe présentement, c'est toujours ce qui s'est passé à l'intérieur de l'évolution de l'astral. L'astral se lutte l'un contre l'autre. On a des esprits lucifériens qui détestent d'autres esprits lucifériens. On a le mal qui apparaît à Rome, tandis que le mal apparaît en Perse. On a le mal qui apparaît en Italie, tandis que le mal apparaît aux États-Unis et en Allemagne. Et on a toujours eu des conflits entre ces êtres du mal. On a toujours eu des sociétés qui étaient reliées à Shambhala, qui ont essayé, par l'intermédiaire du prieuré de Sion, de réunir ces esprits lucifériens qui se battaient pour pouvoir renverser l'humanité conscientisante, pour pouvoir donner à l'homme un chemin, une discipline de fer pour l'aider à évoluer, ce qui n'est pas correct. Et présentement, plus on aura d'hommes qui se conscientiseront, plus on aura d'énergie, de lumière qui passeront à l'énergie d'obscurité réelle, intelligente de l'homme, parce qu'il faut bien comprendre que l'intelligence est obscure. Elle n'est pas comprise. Mais par contre, l'émotion, le désir, ça c'est de lumière, tout le monde le voit. L'intelligence est obscure. Et lorsque on a des énergies qui de plus en plus vont du côté obscur, du côté évoluant de l'homme, on aura un amoncellement, un rassemblement d'énergie astrale qui créeront une force extraordinaire pour empêcher la conscientisation. Et l'homme qui se conscientise ne devra pas se grouper pour lutter. Il devra se séparer pour lutter. Et ça, c'est important, c'est dans l'individualisation de l'homme qu'on aura une force de lutte, qu'on aura une force de guerre suffisante pour finaliser l'évolution de la planète Terre. Autrement dit, si les personnes qui s'autodisciplinent mentalement viennent à se grouper, c'est quasiment plus de l'autodiscipline mentale. Exactement. Ils retombent dans l'autre côté. Ce qui fait que tu vas avoir une lutte. L'astral va voir lutter contre l'autodiscipline mentale pour pas que ça arrive. Oui, parce que là où il y a un groupement, il y a des faiblesses. Parce que là où il y a un groupement, il y a un chef. Et là où il y a un chef, il n'y a qu'un individu. Et lorsque tout le groupe arrive comme un seul homme, il n'y a qu'un individu qui arrive. Tu peux tuer un individu dans le groupe, le bon, et tu n'as plus de résistance. Lorsque tu as des individus qui ne se groupent pas, qui n'ont aucune liaison télépathique au niveau du plan psychologique, et on va préciser ce que j'entends par grouper et ce que j'entends par ne pas se grouper. Lorsque tu auras des individus qui n'auront pas de liaison psychologique, de liaison télépathique émotive, lorsque tu auras des individus qui ne se grouperont pas, lorsque tu en détruis un, tu ne détruis rien. Tu dois tous les détruire l'un après l'autre pour détruire le danger. Et au niveau du plan de l'astral, c'est extrêmement différent. Tu n'as qu'à détruire certaines entités d'astral pour mettre l'astral à terre. Et c'est pourquoi l'homme du Verseau, le guerrier du Verseau, l'homme nouveau, l'homme qui se conscientise, l'homme qui aura une autodiscipline mentale, l'homme qui sera réellement un individu, ne se groupera pas, jamais. Maintenant, il faut bien faire comprendre que ce n'est pas un groupement physique qui nuit. C'est un groupement psychologique, un groupement dans l'émotion. Tu as un groupe de 10 personnes, si l'une de ces 10-là meurt, est-ce que cela touche les autres? Si oui, ils sont groupés. Sinon, ils ne sont pas groupés. Et c'est seulement dans cette vision que nous devons interdire le groupe. Lorsque mentalement plusieurs énergies mentales, lorsque plusieurs entités mentales, lorsque plusieurs hommes maîtres mentales se réunissent pour envisager des choses, ils ne sont pas groupés. Mais lorsque plusieurs individus, par le biais de la psychologie, se réunissent, ils sont groupés. Et l'astral ne peut pas ne pas se grouper pour lutter contre l'envahisseur mental. Et la force de l'astral, c'est sa faiblesse. C'est ce qui va la tuer. D'ailleurs, chaque fois que tu as une armée puissante qui t'attaque, le chef doit être en retrait. Parce que si le chef est en avant et que le chef se fait tuer, il n'y a plus d'armée. Un troupeau de moutons conduit par un lion a toujours été plus dangereux qu'un troupeau de lions conduit par un mouton. Ça, c'est... je crois que même toutes les armées l'ont compris. Si on prend les Russes ou les Américains, ils savent que la première place qu'ils vont frapper, si jamais ils veulent frapper avec quelque chose de nucléaire, ça va être les deux dirigeants. Pourquoi? Parce que c'est lui qui donne l'ordre. Et c'est pourquoi les dirigeants ont la priorité dans les abris, ont la priorité dans le transport, dans le voyagement, sur n'importe qui, parce qu'on doit mettre les chefs à l'abri, parce que si le gouvernement meurt, le pays meurt. Et ça, c'est une absurdité, c'est une force. Une force de réunir le monde sous la même bannière. Tu détruis la bannière, il ne reste plus personne. C'est une faiblesse. Et c'est dans cette force faible que l'homme mental, que celui qui aura une autodiscipline réelle, que le maître, va être capable de balayer la faiblesse. Parce que si tu remarques bien que si tu as une nation sans chef, qui est totalement coordonnée par la vision intelligente, donc par la même vision, tu n'as pas besoin de chef pour dynamiser la vision. Tu n'as pas besoin de loi pour dynamiser la vision. Chacun voit la même chose, chacun voit l'intelligence de l'action. Alors, qui veux-tu détruire? Comment veux-tu balayer ce peuple autrement qu'en éliminant tous les individus? Ce qui ne se peut pas. On n'a pas réussi à éliminer la race juive. On a tout fait. On ne peut pas éliminer une race. Et la race juive s'est laissée plus facilement éliminer parce que les chefs étaient disparus. Parce que chaque être était un individu collectif. Parce que chaque être était moins qu'un individu. Et encore là, on n'a pas réussi à éliminer la race. Alors, lorsque tu as une race mentale, lorsque tu as une race de maître, lorsque tu as une race dispersée, lorsque tu as une race qui n'est pas reliée par l'esprit de groupe, par la force psychologique, tu n'as pas de force réelle. C'est-à-dire que tu n'as plus de force d'invasion. Tu n'as plus de force d'envahissement. Mais tu ne peux pas attaquer ce peuple. Si tu attaques ce peuple, c'est un suicide. Et ça, c'est un peuple qui va être construit, que ce soit au niveau du village Ofsa, que ce soit au niveau de d'autres endroits planétaires, surtout au Québec. C'est un peuple qui va se construire. Ce sera le peuple dans l'avenir. Et ce peuple sera un peuple qui aura la même vision, vision non dynamisée par un esprit de groupe, non dynamisée par une autodiscipline psychologique, une vision sujet à être supportée par l'intelligence. Lorsque tu as des plantes et que tu sais que c'est la dernière espèce et que ces plantes sont une chose importante pour la survie de l'homme, pour la survie du peuple, tu n'as pas besoin de mettre des pancartes pour dire de ne pas en prendre. Personne ne va en prendre. Pour la simple raison que tout le monde a la même vision intelligente. Si nous en prenons, nous n'en avons plus. C'est l'extinction de la race. On n'en prend pas. Et si tu as un peuple psychologique, un peuple relié par l'esprit de groupe, tu devras mettre des pancartes, tu devras mettre des lois, tu devras mettre la police, tu devras mettre l'armée pour protéger cette plantation. La force de la division, elle est beaucoup plus puissante que la force du regroupement, à la condition que cette division se fasse dans le plan psychologique et qu'il y ait une union au niveau du plan d'intelligence. C'est-à-dire que l'union au niveau du plan d'intelligence n'a pas besoin d'être dynamisée. Lorsqu'il y a une porte ouverte et que c'est la seule issue, tout le monde passe par là, au niveau mental. Tu n'as pas besoin de mettre de pancartes, de dynamiser, de motiver, de pousser le monde. Ils vont passer par là. Dans le plan psychologique, tu as une porte ouverte, mais tout le monde veut sortir en même temps. Et tout le monde essaie les murs. C'est pour ça que ça prend une petite pancarte marquée sortie. Oui, et il se trouve qu'on appelle maître dans le plan psychologique ceux qui, par hasard, sous la pression de la collectivité, passent par la bonne porte. Autrement dit, l'autodiscipline du mental va amener à être conséquentielle. L'autodiscipline mentale ne peut pas amener l'homme à être conséquentiel. la conséquentialité ne peut pas amener l'autodiscipline mentale. Ce sont des synonymes placés sous différents points de vue psychologiques. Parce que lorsque l'on essaie de définir l'homme nouveau, on peut mettre plusieurs qualités, plusieurs critères. Laquelle va amener l'autre? Aucune. Qu'est-ce qui va créer l'homme nouveau? Rien. L'homme nouveau va apparaître dans son intégralité. Une intégralité qui peut être non parfait dans le début, mais une intégralité quand même. Est-ce que le plan physique aide l'évolution du plan vital? Oui. Est-ce que le plan vital aide l'évolution du plan physique? Oui. Lequel devons-nous pousser en premier? Aucun. Tous. Et c'est le même phénomène pour l'homme nouveau. L'homme nouveau va lentement devenir un homme nouveau, sous tous les plans. Et lorsqu'il aura cette autodiscipline mentale, et nous allons parler maintenant de l'autodiscipline mentale, lorsqu'il aura cette autodiscipline mentale, il sera conséquentiel de par la définition même de l'homme nouveau, de par la définition même de l'autodiscipline. L'autodiscipline se développe de plusieurs façons. Lorsque l'homme voit l'intelligence d'une chose, l'homme normal, lorsque l'homme présent, lorsque vous voyez l'intelligence d'une chose et qu'il vous manque l'énergie pour l'appliquer. Si nous nous dynamisons pour l'appliquer, de quel ordre d'autodiscipline faisons-nous affaire? Avec quel ordre? Psychologique ou mental? Lorsque nous voyons l'intelligence d'une chose, lorsque nous voyons clairement le couloir et sa finalité, avec une perte minime d'énergie, ou sans perte d'énergie, parce que sachez bien qu'un jour, l'intelligence va permettre à l'homme de ne plus perdre d'énergie. Il y a suffisamment d'énergie perdue ailleurs par le reste de l'homme qu'on pourra se servir de l'énergie des autres pour créer. Ce qui, de temps en temps, a été appliqué par l'énergie psychologique. Mais il y a eu toujours une perte d'énergie parmi les dirigeants quand même. Lorsque vous voulez faire quelque chose et que vous voyez l'intelligence de l'affaire, parce que si vous ne voyez pas l'intelligence de l'affaire et que vous adhérez à cette chose, c'est de l'autodiscipline psychologique, reliée à un autodisciplineur mental, possiblement si ça a rapport au PMC, ou psychologique, ça a rapport à d'autres choses. Sachez bien que si vous vous reliez à un autodisciplineur mental, ce n'est pas dangereux. Parce que celui-ci va tendre à vous déconnecter. Et en attendant, il peut vous donner l'énergie suffisante pour arriver à faire d'une façon facile la chose que vous voulez faire. Lorsque vous avez une chose à faire, qu'elle est intelligente, mais qu'il vous manque l'énergie pour vous lever et pour la faire, vous devez vous autodiscipliner. C'est-à-dire que vous devez faire appel à votre faculté mentale pour pouvoir bien, comme il faut, structurer, analyser si cette chose doit être faite. Et lorsque cela a été fait, si le résultat est positif, vous devez discipliner votre psychologie à vous laisser faire. Cela veut dire que vous devez décider pour vous, pour votre psychologie, du moment et de l'espace et de l'endroit où vous allez vous appliquer à faire cette chose. Cela est de l'autodiscipline qui se rapproche énormément de l'autodiscipline mentale. Cela veut dire que votre énergie psychologique tend à lutter contre votre énergie mentale. Donc, vous n'avez pas suffisamment d'énergie mentale. Ça n'est pas grave. Par contre, vous devez vous dire, je prends un exemple. Plusieurs exemples que je peux prendre. Je dois essayer de prendre conscience de mon inharmonie ou de mon harmonie au niveau de mon plan vital. Je dois prendre conscience par synesthésie vitale du degré d'amplitude yang et d'amplitude yin et d'amplitude dominale à l'intérieur de mon plan vital. Et lorsqu'il y a trop de yin à une certaine place, par le biais, par exemple, de la respiration, comme nous l'avons appris au niveau PMC, respiration yin, yan ou ominal, je dois m'arranger pour rééquilibrer mes énergies de façon à ne plus avoir besoin de nourriture énergisante, équilibrante ou d'acupuncture. Mais je n'ai pas le temps de respirer convenablement. Alors, si j'étudie, mais pour étudier, j'ai besoin d'avoir les données. Si j'ai les données et que j'étudie ce mécanisme et que je me dis qu'une heure par jour, je dois m'asseoir, prendre conscience de ma synesthésie vitale, temporairement, vous allez apprendre à prendre conscience de cette synesthésie par l'intermédiaire de 12 pouls que vous allez pouvoir prendre vous-même sur votre artère radiale, entre autres, de vos deux bras. Une heure par jour, je m'assois, ou une demi-heure par jour, selon ce que je décide, je dois m'asseoir, vérifier mon énergie vitale et, selon ce que je trouve, balancer mon énergie à partir de ma respiration yinique ou yanique, ou ominale. Maintenant, je n'ai pas le temps, je suis impatient, je m'assois, je commence, je trouve le temps long. J'ai le goût de faire quelque chose, j'ai la bougeotte, j'ai n'importe quoi. J'ai tout ce qu'il faut pour m'empêcher de le faire alors que j'ai perçu que c'est intelligent. Je ne vous dis pas que c'est intelligent, je vous donne un exemple. Alors, si j'ai perçu, je dois créer cette autodiscipline. Je dois déterminer une heure. Je dois déterminer un lieu. Et je dois m'ordonner d'y aller. De m'asseoir, de ne pas bouger. Et de faire ce que j'ai décidé de faire ce que j'ai entrevu d'intelligent de faire. C'est de l'autodiscipline qui n'est pas tout à fait de l'autodiscipline mentale, c'est-à-dire que sachez bien que l'autodiscipline mentale parfaite, c'est de l'autorité mentale. Mais c'est le chemin pour y arriver. Cette autodiscipline, elle est écœurement, elle est efficace, mais d'une façon qui ne peut pas être perçue par l'homme. Par contre, elle demande de la perte d'énergie, parce qu'il y aura une lutte. C'est pourquoi je vous dis que ce n'est pas de l'autodiscipline mentale sublime, avec de l'autorité, sans perte d'énergie. Mais c'est l'autodiscipline vers laquelle vous devez vous diriger. Je ne vous dirai pas ce qui est intelligent de faire. C'est à vous de réfléchir, cela va développer votre capacité mentale d'analyser les choses. Cela va développer votre capacité de vous autodiscipliner. Cela veut dire que lentement, vous allez créer un autodisciplineur mental chez vous. Et c'est ça, être son seul maître. Mais vous allez être votre seul maître réellement lorsque chez vous, il n'y aura plus de lutte. Et pour y arriver, on passe par l'autodiscipline qui ressemble énormément à l'autodiscipline mentale placée ailleurs, qui commence à vous habiter. Donc, vous devez analyser une chose, analyser chacun de vos problèmes, chacune de vos faiblesses, chacune de vos failles, et déterminer la condition, l'événement, l'action, l'endroit qui doit être approprié pour la disparition de cette faille. Lorsque cela est fait, vous devez vous ordonner un temps et un espace pour le faire. C'est important, c'est le seul moyen d'y parvenir rapidement. Cela veut dire que ceux qui ne peuvent pas le faire n'y arriveront pas, et ceux qui pourront le faire vont y arriver. Mais si l'homme s'autodiscipline déjà à essayer de s'autodiscipliner. Il crée l'énergie mentale pour le faire, donc il crée le temps propice à ce que cela s'exprime. Parce qu'il faut bien comprendre que chaque chose arrive en son temps et que le temps n'existe pas. Tout à l'heure, tu as parlé d'un initié, Comte de Saint-Germain, qui, de manière si c'est un être de lumière, c'est à accepter d'aller dans la pénombre, c'est, autrement dit, qu'il s'était autodiscipliné. Prenons les initiés. OK. On a ici un initié. Pour la caméra, c'est pas grave. On a Nostradamus. Est-ce que c'est un initié selon toi? Selon moi, oui. On a le Nazaréen. Est-ce que c'est un initié? Oui. On a Paracels. Est-ce que c'est un initié? Oui. On a Platon. Est-ce que c'est un initié? On pourrait dire oui. J'ai un autre initié en tête que on n'entend pas parler beaucoup, ou pas grand monde en parler. C'est Merlin le Mage. Était-il autodiscipliné ou discipliné, ou ces initiés qu'on vient de montrer sont-ils juste disciplinés? Merlin l'Enchanteur. Oui. Le Mage Merlin. Premièrement, tous les sorciers sont disciplinés. L'initié, pour le, disons, le début de l'initié, c'est d'être discipliné. Moïse était discipliné. Pythagore était discipliné. Nostradamus était discipliné. Paracels était discipliné. Platon, Salomon, Homère étaient disciplinés. Le mage Merlin, le comte de Saint-Germain et le Nazaréen. Ces trois personnes n'étaient pas disciplinées. Ces trois personnes avaient une autodiscipline. Ces trois personnes étaient assujetties à leurs propres facultés. Et c'est l'une des souffrances de l'homme qui évolue, c'est lorsque l'homme souffre d'être son propre esclave. Le Nazaréen a été longtemps son propre esclave. Il s'appelait lui-même le Père. Et il parlait au Père. Le comte de Saint-Germain a longtemps été son propre esclave. Il s'autodisciplinait comme je viens de l'expliquer, comme l'homme doit le faire. Et c'est une souffrance morbide pendant un laps de temps court où l'homme est assujetti à lui-même. Parce que l'homme qui découvre qu'il est assujetti à lui-même découvre qu'il n'y a aucune faille dans l'assujettissement évolutif de l'homme. Il reste un être dominé. Et il reste un être dominant. Et c'est le problème de l'homme. Lorsque l'homme découvre chez lui qu'il a une tendance à se laisser dominer et qu'il a une tendance à dominer. Et lorsque le dominant chez l'homme réussit à se connecter avec la tendance à être dominé de lui-même, il se crée une fusion chez l'homme, une fusion psychologique, une fusion entre le mental et l'astral, et entre le vital et le physique, une fusion qui crée un homme nouveau, qui crée un maître, qui crée un initié, qui crée un comte de Saint-Germain, qui crée un Nazaréen, qui crée un mage Merlin. Mais entre la parcelle qui domine chez l'homme et la parcelle qui tend à être dominée chez l'homme conventionnel, il n'y a présentement aucun contact. Lorsque l'homme dominant montre à la conscience de l'homme, il ignore l'existence de l'homme qui aime être l'esclave. Et lorsque l'homme qui aime être l'esclave montre à la conscience de l'homme, il ignore qu'il aime dominer. Et lorsque nous parlons de l'homme ou du maître-esclave, c'est ça le maître-esclave. C'est l'homme qui ignore même les fondements fondamentaux de son expression, de son être-té. Et lorsque le Nazaréen a découvert, lorsque le Nazaréen a fusionné le dominant et le dominé chez lui, il a été son seul maître. Mais il a cessé d'être son seul esclave. Il est devenu quelque chose d'autre. Le mage Merlin a subi les mêmes processus alchimiques que le comte de Saint-Germain. Ce bonhomme a été fou, le mage Merlin, jusqu'au jour où il s'est lui-même opéré dans la tête. Parce que le mage Merlin a su dominer suffisamment les énergies vitales pour être capable de se faire lui-même des, non pas des lobotomies, mais des opérations au niveau de la tête. Il a essayé d'éveiller en lui la conscience d'un troisième cerveau. Il a essayé d'éveiller en lui la conscience de la clairvoyance oculaire, la conscience de la clairaudience. Il a essayé d'éveiller différentes choses et il n'y a pas réussi. Il a réussi, par contre, à réveiller d'autres choses chez lui. Et une journée, un jour où il était en train de s'auto-opérer, il s'était ouvert le crâne. D'ailleurs, il avait remplacé cette cutanéité crânienne par une espèce de métal qui se rapprochait énormément de l'or des Atlantes, de l'oricalque, un or argenté avec qui avait une densité extrêmement légère et qui ne pesait rien, mais qui était presque indestructible, qui lui permettait d'entrer en contact à l'époque avec des énergies cosmiques qui n'étaient pas connues de l'homme. Le Nazaréen se servait de sa chevelure pour entrer en contact avec des énergies, comme antenne. Le mage Merlin se servait de cette calotte métallique. À un moment donné, le mage Merlin a découvert chez lui cet esprit de dominant et cet esprit d'esclave, ce que le Nazaréen a fait aussi. Et le Nazaréen a finalisé complètement la fusion entre le diable et entre le Dieu chez lui, entre l'esclave et entre le maître chez lui, lorsqu'il a été crucifié. Il a parfait cette fusion de l'homme. Il a détruit l'homme, le maître-esclave. Il l'a détruit chez lui. Lorsque le mage Merlin est arrivé à cet état d'autodiscipline mentale réelle, lorsque le mage Merlin est devenu un maître, il a cessé de jouer avec des entités égrégoriennes collectives qui étaient transportées par un métal argenté qui avait contenu, à un moment donné, le sang du Christ, le sang du calvaire. Il faut bien savoir que lorsque le sang a éclaboussé la croix, et lorsque le sang sur la croix a donné naissance à une rose, lorsque l'être qui a ramassé ce sang dans une coupe, dans la coupe, le Graal, lorsque le mage Merlin s'est enquéri à rechercher ce Graal, mais d'une façon intelligente, c'est-à-dire en le dynamisant chez autrui et en le faisant rechercher par d'autres, lorsque une autre personne est passée par là et que celui-ci a ramassé la rose qui est venue, qui est apparue du sang éclaboussé par la lance d'un soldat sur le corps du Nazaréen, lorsque Lazare est passé par là et lorsque Lazare a nettoyé la croix après qu'on ait ôté le corps du Nazaréen sur cette croix, lorsque Lazare a eu l'idée de partir, lorsque... J'explique plusieurs choses en même temps. Cela ne sera pas nécessairement compris. On va y revenir de toute façon, mais disons que je jette les bases. Lorsque Lazare est passé, lorsque Lazare a le comte de Saint-Germain, qui était Lazare, qui était Iramabif, lorsque celui-ci a touché au sein du Christ sur la croix, lorsqu'il a été imprégné par l'énergie astrale, mentale, vitale et physique concentrée dans ce sein sur la croix, il a été, disons, le maître esclave chez lui a été parfait en fusion, il a été détruit. Et à ce moment donné, réellement est apparu l'ordre de la Rose-Croix. que Saint-Germain va dynamiser vers l'entrée saint. Lorsque le mage Merlin, par la suite, a lui aussi touché au sang du Christ, lorsque lui a eu connaissance du Graal, lorsque celui-ci s'est auto-opéré et qu'il a découvert en lui le maître et l'esclave, et qu'il a eu peur. Parce que la conscience de l'homme, qui est tridimensionnelle chez l'homme, lorsqu'elle découvre le maître et l'esclave, lorsqu'elle découvre ces deux formes de conscience cérébralisées par nos hémisphères cérébraux, lorsqu'elle le découvre, il y a un mécanisme qui est extrêmement souffrant pour l'homme, où dans la conscience qui observe, il y a l'esclave qui observe le maître et qui grave dans la mémoire sanguine de l'homme, dans la mémoire astrale de l'homme, cette observation du maître qui n'est pas lui. Et lorsque le maître vient à la conscience et qu'il pousse l'esclave, le maître observe l'esclave. Cela est gravé dans la même mémoire et cette mémoire prend conscience qu'elle est l'être qui est le maître, qui est l'esclave, sans pouvoir comprendre cet état de choses. Donc, il y a un mécanisme chronométrage, disons,